d'adultes. C'est elle qui l'a écrit. Churchill l'a tué. Elle n'a pas pu se tromper, pu se tromper, pu se tromper. On l'arrête, on l'enferme. Il sera jugé, y a pas trop de preuves. Ils en font, ils en font. On écrit en lettres de sang sur le mur de la cave son nom, écrit tout la juste. Quelques jurés, criés sur le vrai, ils te regardent, coupable ou innocent, ils attendent, ils attendent. Ils délibèrent, après bien des doutes, toujours pas de preuves, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Son nom